sépare, cet air doux qui nous sépare. L'horizon qui te touche, la nuit qui m'abandonne. Mes mains derrière ton dos pour prendre un nouveau départ. Tombe en ruine autour de ton lit.